Chapitre 46e, suite. La distinction des voleurs, selon le genre qu'ils ont adopté, serait de peu d'importance, si en même temps que je dévoile les moyens par eux mis en pratique pour vivre à nos dépens, je n'indiquais par quelles précautions on parviendra à se mettre à l'abri de leurs atteintes. S'ils ne prélevaient une dîme que sur le superflu, peut-être y aurait-il quelque cruauté à prétendre les empêcher de se procurer le nécessaire. Mais comme, vu le hasard de leur profession, entre Irus et Crésus, il ne leur est pas toujours donné de choisir, et qu'ils prennent indifféremment là où il y a trop et où il n'y a pas assez, que d'ailleurs ils prennent aussi pour se livrer à des profusions, je vais, sans miséricorde, déployer contre eux l'arsenal de tout mon savoir, afin de battre en brèche leur industrie, et s'il est possible, de la mettre au sac, suivant l'expression de nos vieux polyorquettes, je veux dire nos vieux chroniqueurs ou mieux encore nos vieux romanciers. Aucune capitale de l'Europe, Londres exceptée, n'en sert autant de voleurs que Paris. Le pavé de la moderne Lutèce est incessamment foulé par toute espèce de larrons. Ce n'est pas surprenant. La facilité de s'y perdre dans la foule y fait affluer tout ce qu'il y a de méchants garnements, soit en France, soit à l'étranger. Le plus grand nombre se fixe irrévocablement dans cette cité immense. Quelques autres n'y viennent que comme des oiseaux de passage, aux approches des grandes solennités ou durant la saison rigoureuse. À côté de ces exotiques, il y a les indigènes, qui forment dans la population une fraction dont le dénominateur commun est assez respectable. J'abandonne au grand supputateur, M. Charles Dupin, le soin de l'évaluer en décimales et de nous dire si le chiffre qu'elle donne ne devrait pas être pris en considération dans l'application de la teinte noire. Les voleurs parisiens sont en général haïs des voleurs provinciaux. Ils ont à juste titre la réputation de ne pas faire difficulté de vendre leurs camarades pour conserver leur liberté. Aussi, lorsque par l'effet d'une circonstance quelconque, ils sont jetés hors de leur sphère, ils ne trouvent pas aisément à qui s'associer. Au surplus, ils ont une grande prédilection pour le lieu de leur origine. Ces enfants de Paris ne peuvent pas se séparer de leur mère, ils ont pour elle un fond de tendresse inépuisable. À tous les cœurs bien-nés que la patrie est chère. Transporté dans un département, un voleur parisien est tout désorienté. Eût-il été lancé de la lune comme une aérolite, il n'y serait ni plus emprunté ni plus neuf. C'est un badaud, un vrai badaud, dans toute la force du terme. À chaque instant, il redoute de prendre Martre pour renard. C'est terrible quand on ne connaît pas le terrain. Il ne sait où il met la main et le pied. Peut-être marche-t-il sur des charbons ardents. Genere idoloso. Il n'ose faire un pas, parce qu'il a un bandeau sur les yeux, et que s'il va se heurter, il est averti que personne n'est là pour lui crier casse-cou. Tout au contraire, on s'amuse à le voir en péril, parce qu'on est convaincu qu'il est poltron. S'est-il embarqué dans une gaucherie, on la lui laisse achever, on l'y pousse même. Et si dans son chemin il rencontre un gendarme, que malheur lui advienne, qu'il succombe enfin, les malins du Colin-Maillard en font des gorges chaudes. Au sein d'une petite ville, un voleur est tout à fait déplacé. C'est la poule qui n'a qu'un poussin. Il est là exactement comme le poisson dans l'huile, comme le poisson dans la friture, ce n'est pas son élément. Il y a trop de calme, dans une petite ville, trop de tranquillité. La circulation est trop régulière, trop limpide. Mieux vaut beaucoup de tumulte, de la confusion, du frottement, des embarras, du désordre, et un fluide sujet à se troubler. Tous ces avantages, c'est à Paris qu'ils sont rassemblés, dans l'exigu, mais bien rempli, département de la Seine, dans un périmètre de 5 à 6 lieues, sur un espace qui suffirait à peine à l'établissement du parc d'un grand seigneur. Paris est un point sur le globe, mais ce point est un cloaque. À ce point aboutissent tous les égouts. Sur ce point tourbillonnent, passent, repassent, se croisent et s'entrecroisent des myriades de propriétaires de la vie par excellence. Le voleur parisien est habitué à cette cohue. Hors de là, il nage dans le vide et son habileté expire. Il le sait bien, et ce qui le prouve incontestablement, c'est que, parvient-il à s'évader du bagne, c'est toujours sur la capitale qu'il se dirige à tire d'aile. Il ne tardera pas à être repris, que lui importe, il aura encore une fois travaillé à sa guise. Les voleurs provinciaux se font assez promptement au séjour de Paris. Ce n'est pas que le climat leur convienne mieux que tout autre, mais ce sont des espèces de cosmopolites, qui trouvent une patrie partout où il y a à dérober, ubi bene, ubi patria, telle est leur maxime. Ils s'accommoderont tout aussi bien de la résidence de Rome que de celle de Pékin lorsqu'il y aura du butin à faire. Ils n'ont ni l'extérieur agréable, ni les formes découplées, ni la jactance du voleur parisien. eussent-ils vécu un siècle dans Paris, ce seraient toujours des rustres. Les amis de Pantin leur reprocheraient toujours d'être bâtis comme des poignées de sottises et de ne ressembler à personne. La tenue et les manières, voilà leur côté faible. Ils n'ont point d'urbanité, et quoi qu'ils fassent, ils ne seront jamais parfumés de cette fleur d'athlicisme, dont l'odeur suave charme et enivre ce monde brillant et frivole, qu'on ne peut duper qu'après l'avoir séduit. Mais s'il manque de cet entre-gens, qui, sous quelques rapports, donne aux indigènes une certaine supériorité, en revanche, ils ont plus de capacité. Sous une enveloppe grossière, sous des dehors lourds en apparence, ils cachent une dose d'astuce et de finesse qui, dans les entreprises de premier ordre, les rend propres à écarter les obstacles et à capter la confiance des personnes réfléchies. Que l'on consulte les archives du crime, tous les grands vols, tous les vols hardis et raisonnés sont le fait de voleurs provinciaux. Ces derniers ne sont pas fluets, mais ils sont audacieux, persévérants, méditatifs. Ils conçoivent bien et exécutent mieux. Les voleurs de profession originaires de la capitale sont rarement des assassins. Ils ont en horreur le sang, et quand ils le versent, c'est toujours un regret. C'est que par des circonstances imprévues, ils y ont été forcés. Par extraordinaire ont-ils des armes, ils n'en font usage que pour s'échapper dans le cas de surprise en flagrant délit. Les grands crimes dont Paris est parfois le théâtre sont presque toujours commis par des étrangers. Une particularité assez remarquable, c'est que les assassinats sont ordinairement le fait d'un débutant dans la carrière. Cela est vrai, très vrai, n'en déplaise à ces moralistes inobservateurs qui répètent d'après le poète, ainsi que la vertu, le crime à ses degrés. Avant de commettre une mauvaise action, les voleurs expérimentés calculent les conséquences de cette action par rapport à eux. Ils connaissent la peine qu'ils encourront. Ils jouent parce qu'ils ont besoin de jouer. Mais s'il s'agit d'aller de leur tout, ils y regardent à deux fois. Le code, qu'ils étudient sans cesse, leur dit « Vous irez jusque-là, vous n'irez pas plus loin ». Et bon nombre d'entre eux reculent devant la réclusion, devant la perpétuité, devant la mort. Ce n'est pas sans intention que, dans cette énumération, je place la mort en dernier lieu. C'est le moindre des épouvantails. Je le démontrerai que l'on juge d'après cela si notre pénalité est bien graduée. Les voleurs provinciaux, en général moins civilisés que ceux dont l'éducation s'est faite à Paris, n'éprouvent aucune répugnance à tuer. Ils ne se bornent pas à se défendre, ils attaquent et souvent dans leurs expéditions, non seulement ils sont téméraires, mais encore, ils se montrent atroces et cruels au dernier degré. Mille traits barbares, consignés dans les fastes judiciaires, peuvent venir à l'appui de mon assertion. La sagesse des nations a depuis longtemps proclamé comme une vérité que les loups entre eux ne se mangent pas. Afin de ne pas faire mentir le proverbe, les voleurs ont les uns pour les autres des égards de confraternité. Tous se regardent comme les membres d'une grande famille. Et quoique les voleurs provinciaux et les voleurs parisiens soient généralement peu disposés à s'entraider, l'antipathie ou la prévention ne va pas jusqu'à s'entrenuire directement. Il y a toujours un pacte qui est respecté dans quelques-unes de ces généralités. La bête, dirait un philosophe d'Outre-Rhin, se sent dans la bête de sa race. Le confrère aime à retrouver le confrère. Aussi, les voleurs ont-ils des signes de reconnaissance et un langage particulier. Posséder ce langage, être initié à ces signes, lors même qu'on n'est pas du métier, c'est déjà un titre à leur bienveillance. C'est une preuve, ou tout au moins une présomption qu'on fréquente des amis. Mais ces notions, plus précieuses dans quelques circonstances que celles de la franc-maçonnerie, ne sont pas un garant infaillible de sécurité. Et suis ton argot comme un jeune lord, dont je m'abstiens de décliner l'ignoble surnom, je conseillerais encore de ne pas s'y fier. Voici au surplus une petite aventure qui, je crois, montrera que je n'ai pas tort. Je demande pardon au lecteur si je m'interromps encore pour compter, mais ce sera bientôt dit. Le père Bailly, ancien guichetier de Sainte-Pélagie, avait depuis quelques mois troqué cet emploi contre celui de gardien au dépôt de mendicité de Saint-Denis. Le père Bailly était un vieillard qui aimait passablement le jus de la treille. Au reste, quel geôlier ne boit pas avec plaisir, surtout quand on y convie et que ce n'est pas lui qui paye. Depuis 25 ans qu'il était dans les prisons, le père Bailly avait vu bien des voleurs. Il les connaissait presque tous, et tous l'estimaient, parce qu'il se montrait bon enfant. Il ne les chagrinait pas trop. Pour ceux dont la bourse était résonnante, il était aux petits soins du geôlier, on sait ce que c'est. Un jour, le bonhomme était venu à Paris afin d'y toucher une petite rente, qu'il s'était amassé du produit de ses économies. C'étaient les subsidia senectutis, la provision de la fourmi, la réserve pour la goutte matinale et le tabac de toute la journée. L'échéance était arrivée. Le père Bailly reçut son argent, 200 francs. Il les tenait. Mais, allant et venant, il avait avalé quelques canons, de telle sorte qu'au moment de retourner à son poste, il était un peu gai. Ce n'est pas à mal, cela donne des jambes. Aussi cheminait-il en belle humeur, heureux d'en avoir terminé à sa satisfaction, lorsque, sous la porte de Saint-Denis, deux de ses anciens pensionnaires l'accostent en lui frappant sur l'épaule. Hey, « Hé, bonjour, père Bailly !» Se retournant, « Bonjour, mes enfants !» « Voulez-vous qu'il nous coûte une chopine sur le pouce ?»« Sur le pouce, volontiers, car je n'ai pas le temps. » On entre deux boules. « Une chopine en trois, à huit, vite et du bon. »« Eh bien, mes enfants, que faites-vous? Ça va-t-il bien ?»« Il paraît que oui, car vous marquez. Vous avez l'air à votre aise. » »« Pour ce qui est de ça, nous n'avons pas à nous plaindre depuis que nous sommes décarrés, depuis que nous sommes sortis. Les affaires vont assez bien. »« J'en suis charmé. J'aime mieux vous voir content. » Mais prenez garde à retourner rue de la Clé, c'est une fichue hôtel. Il a vidé son verre, étant la main de l'adieu. Quoi, déjà? Nous ne nous voyons pas si souvent. Puisque vous voilà, nous redoublerons bien. Allons, encore une chopine. Non, non, ce sera pour une autre fois. Je suis pressé, puis je suis là sur mes pattes. J'ai tant couru depuis ce matin. Savez-vous que j'ai devant moi un bon ruban jusqu'à Sainte-Tenaille, Saint-Denis? Une minute de plus, une minute de moins. Il y a des pensionnaires, ce n'est pas ça qui vous retardera. Nous allons nous asseoir dans la salle, n'est-ce pas, père Bailly? Il n'y a pas moyen de vous refuser. Allons, je me laisse aller, mais qu'on nous serve promptement. Une chopine, pas plus, et je pars. Il n'y a pas de bon Dieu, il en pleuvrait. Je file net comme une torchette. Voyez-vous, je refais le serment. La chopine se boit, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième s'écoule, et le père Bailly ne s'aperçoit pas qu'il est parjure. Enfin, il est ivre, complètement ivre. « Il n'y a pas à dire, » répète-t-il à tout bout de champ. « Il faut que je parte. Il se fait nuit. Ce n'est pas le tout, c'est que j'ai 200 francs dans mon paquet. Si on allait me servir, me voler en route. Qu'avez-vous peur? Il n'y a pas un gringe qui voulut vous faire la sottise. On vous connaît trop brave pour cela. Le papa Bailly, il peut passer partout, le papa Bailly. Je sais bien, vous avez raison. Si c'était les amis de Pantin, je pourrais me faire reconnaître. Mais des pantres nouvellement affranchis, des paysans qui font leurs premières armes, j'aurais beau faire l'arçon. Il n'y a pas de danger. À votre santé, père Bailly. À la vôtre. Ah, ça, je ne m'ennuie pas. Mais cette fois, je m'en vais. Et il n'y a plus de rémission. Bonsoir, portez-vous bien. Vous le voulez, nous ne vous retenons plus. Il l'aide à placer sur son épaule un bâton, à l'extrémité duquel est attaché le paquet qui contient le numéraire. Aussitôt, le père Bailly, qui en a à sa charge, prend son essor. Le voilà dans le faubourg, papillonnant, trébuchant, voltigeant, roulant, grabitant, faisant des terres à terre, et s'avançant pourtant à force de zigzags. Tandis qu'il décrit ainsi des S, des Z et toutes les lettres bancroches de l'alphabet, les deux pensionnaires se consultent sur ce qu'ils feront. « Si tu étais de mon avis, dit l'un d'eux, nous lui prendrions ses 200 balles à ce vieux rat. Parbleu, tu as raison, son argent vaut celui d'un autre. Eh oui, suivons-le, suivons-le. » Malgré ses tergiversations, le père Bailly avait déjà dépassé la barrière. Toutefois, ils ne tardèrent pas à l'apercevoir. Encore aux prises avec son vin, il marchait contre vents et marées. Il y avait du tangage, beaucoup de tangage. Il chancelait, rétrogradait, obliquait. Si bien qu'à le voir dans cet état, par humanité, tous les cochers imaginaient de lui proposer une place dans leur coucou. « Passe ton chemin, mannequin !» répondait à cette offre le gracieux porte-clés. « Le père Bailly a bon pied, bon œil !» Bien lui en prit d'être moins fier, car en arrivant dans la plaine des Vertus, il se trouva dans un grand embarras. Qu'on se figure ce doyen de la geôle entre les griffes des deux voleurs. Le saisir à la gorge et enlever le paquet fut l'affaire d'un instant. En vain se démange-t-il à faire le signe qu'il doit le sauver. « Du maigre, du maigre » crie-t-il à tue-tête. Ce sont les mots de passe qu'il fait entendre. Il se nomme. « C'est le père Bailly !» Mais il n'y a ni signe, ni mot, ni nom qui tiennent. « Il n'y a ni gras, ni maigre !» ripostent les voleurs en contrefaisant leur voix. « Il faut lâcher le baluchon !» Et en proférant ces paroles, ils disparaissent. « Elle est rude, celle-là » murmure la victime. « Ils ne la porteront pas en paradis. » Cette prophétique menace aurait pu s'accomplir. Mais entre eux et la justice, il y avait sur le cerveau du vieillard les vapeurs antimnémotechniques du surène, et sur cet hémisphère, les épaisses ténèbres d'une nuit profonde. Le père Bailly est enterré. Je reprends le fil de mon discours. Attention. il serait impossible de classer les voleurs s'ils ne s'étaient classés d'eux-mêmes. D'abord, un individu obéit à son penchant pour la rapine. Il dérobe à tort et à travers tout ce qui se présente. Dans le principe, c'est, comme le dit le proverbe, l'occasion qui fait le larron. Mais le bon larron doit au contraire faire l'occasion, et ce n'est que dans les prisons qu'il acquiert ce qui lui manque pour atteindre une perfection semblable. Après avoir suivi une ou deux petites corrections, car point de commençant qui ne fasse ce qu'on appelle une école, il connaît et on lui fait connaître son aptitude. Alors, éclairé sur ses moyens, il se détermine à adopter un genre et ne le quitte plus à moins qu'il n'y soit forcé. Les voleurs d'extraction sont pour la plupart juifs ou bohémiens. Encouragés par leurs parents, ils pratiquent en quelque sorte au berceau. À peine peuvent-ils faire usage de leurs jambes, ils appliquent leurs mains à mal faire. Ce sont de petits spartiates, à qui du matin au soir, on recommande de ne rien laisser traîner. Leur vocation est marquée d'avance. Ils suivront les errements de leur caste, les guides et les leçons ne leur manqueront pas. Mais il y a voleurs et voleurs, afin de ne pas ignorer leur véritable disposition. Ils s'essayent dans tous les genres, et dès qu'ils ont découvert celui dans lequel ils excellent, ils s'y fixent, c'est un parti pris. Ils ont embrassé une spécialité, ils n'en sortent pas. Depuis le déluge, il n'y a eu qu'un Voltaire, c'était un homme universel. Depuis la création du monde, il ne s'est peut-être pas trouvé parmi les voleurs une seule tête encyclopédique. Sauf quelques exceptions, ils sont bien les êtres les plus circonscrits, et par conséquent les moins excentriques que je connaisse. En somme, chacun se borne à cueillir des fruits sur la branche à laquelle il s'est attaché. Quand la branche ne fournit que médiocrement, on grappille. Quand elle ne fournit plus, on passe à une autre. Mais on n'exploite pas deux branches à la fois. Peut-être ne gagnerait-on rien à le faire. Puis chaque branche est un monopole, et des monopolistes, quels qu'ils soient, sont trop jaloux de leurs prérogatives pour souffrir les empiétements. Quelques voleurs, pourtant, ont eu deux cordes à leur arc, deux cornes à leur arbre, dirait certaines actrices de la Porte-Saint-Martin. Elle aurait raison, ces privilégiés étaient ordinairement des gens mariés. Le mâle travaillait de son côté, la femelle de l'autre, ou bien, pour faire une bonne maison, d'un commun accord, on opérait la fusion des deux industries. D'espèce à espèce, les voleurs ont de la morgue. L'escroc, qui est un homme du monde, méprise le filou. Le filou qui se borne à escamoter adroitement la montre ou la bourse se tient pour offenser si on lui propose de dévaliser une chambre. Et celui qui fait usage de fausses clés pour s'introduire dans un appartement qui n'est pas le sien regarde comme infâme le métier de voleur de grand chemin. Jusque sur l'échelle du crime, qu'il soit ou plus haut ou plus bas, qu'il monte ou qu'il descende, l'homme a sa vanité et son dédain. Partout, dans les plus abjectes conditions de la vie, pour que son moi ne crève pas de dépit et d'humiliation, il a besoin de se persuader qu'il vaut mieux que ce qui est ou devant ou derrière lui. Afin de s'enorgueillir encore, il ne réfléchit du monde extérieur que la portion la plus infime. Celle-là, du moins, ne lui fait pas honte. Il est plongé dans la fange, mais s'il élève son front au-dessus du bourbier, s'il croit voir plus bas que lui, il s'imagine qu'il plane, qu'il domine. Il y a de la joie pour son cœur. Voilà pourquoi tous les coquins qui n'ont pas franchi cette moyenne région de la perversité, où la probité n'existe plus que comme une réminiscence, ont tous l'orgueil d'être moins criminels les uns que les autres. Voilà pourquoi, au-delà de cette région, c'est au contraire à qui frappera du plus haut degré de scélératesse. Voilà pourquoi, enfin, dans chaque espèce, même en deçà de la région moyenne, où l'on pèse le plus ou moins de déshonneur, il n'est pas un fripon qui n'aspire à être le premier dans son genre, c'est-à-dire le plus adroit, le plus heureux, ou ce qui revient au même, le plus coquin. Il est bien entendu que je ne parle ici que des voleurs professes, qui sont les cosaques réguliers de notre civilisation. Quant aux paysans qui volent une gerbe, au savetier qui fait de la fausse monnaie, au notaire qui se prête un stellonia, ou écrit un testament sous la dictée d'un mort, ce sont là des cosaques irréguliers, de purs accidents, qui ne peuvent avoir leur place dans une classification. Il en est de même des auteurs isolés de tous ces attentats auxquels peut pousser l'effervescence des passions, la haine, la colère, la jalousie, l'amour, la cupidité et les rages d'une dépravation frénétique. Les assassins de profession sont les seuls dont j'ai à m'occuper en décrivant ces catégories, mais auparavant, je vais faire connaître les espèces dont les mœurs sont plus douces. La séance est ouverte, qu'on amène les cambrioleurs.